الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra et au nombre des sables du désert, wa awladi adama wa hawa et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, أيها الإخوة والأخوات في الإسلام après ceci mes frères, mes sœurs en islam أحباب الحبيب محمد المصطفى très cher ou bien-aimé محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. سأتكلم اليوم عن الذكرى الواحدة والعشرين بعد 1400 سنة. Aujourd'hui, je vais parler de l'anniversaire 1421, لميلاد أو نزول آية عظيمة من آيات القرآن الكريم. Donc, l'anniversaire 1421 d'un verset coranique noble, d'un verset coranique énorme. يقول الله تعالى وتبارك في هذه الآية. Dieu dit dans ce verset: اليوم أكملت لكم دينكم. Allah يتكلم معنا نحن المسلمين. Dieu nous adresse la parole, nous les musulmans. اليوم أكملت لكم دينكم. Aujourd'hui, je vous ai parfait votre religion. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. Je vous ai accordé ma grâce toute entière. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. هذه أكبر نعمة لله تعالى على هذه الأمة. Il s'agit là du plus grand bienfait de Dieu à l'égard de cette nation. Miftahul Jannah al-Islam. La clé du paradis est l'islam. Wa hadhihi an-ni'ma anna Allah akmala lil-umma dinaha. Le bienfait réside dans le fait que Dieu nous a parfait la religion. Wa hadha la ya'ni anna ad-din kana naqisan. Ceci ne signifie pas que avant le jour de la révélation de ce verset, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'islam était une religion incomplète ou imparfaite. ولكن يعني أنه بنزول هذه الآية لن يكون فرض أو نسخ أو تحريم بعد هذه الآية. انتهى النسخ وانتهى الفرض وانتهى التحريم. الدين صار كامل. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, jour de la révélation de ce verset, il n'y aura plus de recommandations. Il n'y aura plus d'obligations à venir. Il n'y aura plus d'abrogation. Il n'y aura plus d'interdiction. C'est fini. وهكذا صار الدين الإسلامي دينا خالدا أبديا عالميا. Ainsi, la religion musulmane est devenue une religion éternelle, universelle. La nahtaj ila dinin jadid. On n'a plus besoin d'une nouvelle religion. Wala ila nabiyin jadid. Et on n'a plus besoin d'un nouveau prophète à venir après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faddinu alladhi bada'a ma'a Adam alayhi salam. La religion qui a démarré avec notre père Adam, prière et salut sur lui, قد اكتمل مع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. Cette religion qui a démarré avec Adam a pris fin, est achevée, est devenue parfaite avec Mohammed, prière et salat sur lui, qui est le sceau des prophètes et des envoyés. فَلَا حَلَالَ إِلَّا مَا أَحَلَّ. Il n'y a de licite que ce qu'il a rendu licite. وَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَ. Et il n'y a d'interdit que ce qu'il a rendu interdit. وَلَا دِينَ إِلَّا مَا شَرَعَ. Et il n'y a de religion que ce qu'il a légiféré. وَبِكَمَالِ الدِّينَ. Et avec l'achèvement de la religion, تَمَّتْ عَلَيْنَا نِعْمَةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. La grâce divine nous est devenue entière et complète. الَّذِي اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ الَّذِي اخْتَارَ وَرَضِيَ لَنَا أَن نَكُونَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُسْلِمِينَ. Dieu le Très-Haut qui a choisi, qui a agréé pour nous tous d'être parmi ses adorateurs musulmans. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. Aujourd'hui je vous ai parfait votre religion. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. Et je vous ai accordé ma grâce toute entière. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, ونحن نحتفل بذكرى نزول هذه الآية التي ستكون يوم الاثنين القادم. الذكرى, ذكرى نزول هذه الآية ستكون يوم الاثنين القادم. Donc, en célébrant cet anniversaire de ce verset coranique qui aura lieu, l'anniversaire aura lieu ce lundi qui vient, لا يسعنا إلا أن نشكر نعمة الله علينا. On ne peut que remercier le bienfait de Dieu, l'immense bienfait de Dieu pour nous. ونقول من أعماق قلوبنا. Et on qu'on dise à partir des profondeurs de nos cœurs, وَبِأَعْلَى صَوْتِنَا, et à très haute voix, Alhamdulillah. La louange entière est à Dieu. الَّذِي هَدَانَا لِهَادَا, qui nous a guidés à cette voie, وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ. Et on ne pouvait pas l'être, ça veut dire sur cette voie, orienté vers cette voie, si Dieu ne nous a pas bien guidés. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة. Donc la louange entière est à Dieu pour cette immense grâce. ألا وهي دين الإسلام. Cette grâce qui n'est que la religion d'Islam. الذي هدانا إليه. Vers laquelle Dieu nous a orientés. فأنقذنا به من الكفر. Et grâce à laquelle il nous a sauvés de la mécréance. وَنَجَّنَا مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّارِ. Et grâce à laquelle il nous a délivrés de l'éternité en enfer. أَمَّا مَنِ اخْتَارَ دِينًا آخَرَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ. Mais tandis que celui qui va opter pour une autre religion que l'islam, فَإِنَّ الْعَزِيزَ الْجَبَّارِ يَقُولُ. Le Tout-Puissant dit, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. أَنَا رَضِيتْ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. وَلَكِنْ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui se veut comme religion autre chose que l'islam. Moi je vous ai agréé l'islam comme religion. Mais celui qui veut ou qui se veut comme religion autre chose que l'islam, cela ne lui sera jamais agréé. Et il sera dans l'autre monde parmi les perdants. ويقول كذلك القوي القهار. Et le Tout-Puissant dit de la même manière dans un autre verset coranique, إن الدين عند الله الإسلام. Certes, la religion est pour Dieu l'islam. Il n'y a pas d'autre religion. فالإسلام دين الله. L'islam et la soumission est la religion de Dieu. الذي لا يقبل دينا سواه. Et il n'agrée pas une autre religion que l'islam. وهذه الآيات الربانية قد أبطلت كل دين سوى الإسلام. Ces versets coraniques ont rendu caduque toute autre religion à part l'islam, parce que l'islam est la religion de tous les prophètes depuis Adam, en passant par Moïse, Jésus et les autres, jusqu'à Mohammed. Prière et salut sur l'ensemble. Sallallahu ala jami'i al-anbiya'i wal-rusul. Ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, mes frères et mes sœurs, al-islamu dinun kamilun. بهذه الآية دي أكملت لكم دينكم. الإسلام دين كامل غير ناقص. Donc l'islam est une religion parfaite, complète et non pas incomplète. اليوم أكملت لكم دينكم. Aujourd'hui, je vous ai parfait votre religion. J'ai rendu votre religion complète. وهو دين نعمة ورحمة. Et il s'agit, l'islam, il s'agit d'une religion de grâce et de miséricorde, de clémence. هو دين نعمة ورحمة. وأتممت عليكم نعمتي. معنى الإسلام نعمة أتمها الله على الأمة. Et je vous ai parachevé ma grâce. Ça veut dire l'islam n'est qu'une grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala, n'est qu'une clémence de Dieu subhanahu wa ta'ala pour toutes ses créatures. وليس الدين عذاب ونقمة. Ça veut dire aussi que l'islam n'est pas une religion de souffrance ou de mal ou de terreur. دين اليسر وليس دين العسر. L'islam est une religion de facilité et non pas une religion de gêne ou de difficulté. Il s'agit d'une religion de toute époque et de tout lieu géographique. Et Dieu a pris la charge de, ou a donné ses garanties suprêmes de préserver l'islam de tout ajout ou toute diminution. قال العلماء. Les savants disent, فمن قال متعمدا بأن الدين ناقص اليوم بأن الدين ناقص فقد كفر. Celui qui dit volontairement aujourd'hui parmi les penseurs musulmans que l'islam est incomplet et on doit rajouter un petit quelque chose pour compléter la religion, il devient automatiquement mécréant, ce penseur. ومن قال متعمدا بأن الدين فيه زيادة ويجب أن ننقص منه أمورا لا تتماشى مع روح هذا العصر فقد كفر. Et celui qui va penser pour nous sans qu'on lui demande ça, pour nous dire que l'islam a des choses en plus ou a des choses en trop et on doit enlever certaines choses de cette religion d'islam, certaines choses qui ne sont plus conforme avec l'esprit de notre époque, il devient mécréant. من قال مثلا للنساء انزعوا الحجاب. الحجاب لا يتماشى مع روح العصر. Celui par exemple qui va dire aux femmes enlevez vos voiles. Le voile n'est plus conforme avec l'esprit de notre époque. Celui-ci, s'il le dit volontairement, il est parmi les musulmans, il devient mécréant. Ou il parle d'autre chose, le voile n'est qu'un exemple. Celui qui dit que la religion n'est qu'un ensemble de difficultés et de gênes et de souffrances et n'est pas une religion de bienfaits, de miséricorde et de grâce, il devient mécréant. من يقول والله الصلاة فيها مشقة. Celui qui va dire la prière, dans la prière il y a beaucoup de difficultés. Se réveiller à l'aube 3h du matin ou 4h, mon frère, il y a beaucoup de difficultés. أو يقول الحج, où il dit la même chose du pèlerinage ou du jeûne, jeûner un mois, il y a beaucoup de difficultés. Là, c'est la mécréance. Il est en train de critiquer Dieu qui a dit que la religion est devenue complète et que la religion est un ensemble de clémence et de facilité. Celui qui n'est pas satisfait de, je parle des musulmans, hein, celui qui n'est pas satisfait de cette religion ou de quelques-unes de ses recommandations ou obligations, il devient tout simplement mécréant, il quitte l'islam. يفارق هذا الدين قد كفر. مثلا من لا يرضى بقوانين الارث. Je donne un exemple, celui qui n'est pas satisfait des lois ou des règles d'héritage en islam. Pourquoi l'islam a donné une part à l'homme et la moitié à une femme? Je suis contre. Qui es-tu pour être contre? فالحذر الحذر من كل كلام وفعل يؤدي للخطر. Donc méfiance, méfiance de toute parole ou action qui mène vers le danger. فالإسلام دين كل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم مرورا بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي وصفه ربه في القرآن بقوله. Donc l'islam, comme nous l'avons dit, est la religion de tous les prophètes, de tous les messagers, depuis Adam, prière et salut lui, jusqu'à Mohammed, prière et salut lui, en passant par le père des prophètes, Abraham, prière et salut lui, que Dieu a qualifié dans le Coran par ce verset coranique, « Ma kana Ibrahimu yahoudiyan, wala nasraniyan, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana min al mushrikin, lianna nasraniya wal yahoudiya » أتوا من بعد أو أتيت من بعد إبراهيم عليه السلام. Dieu dit, Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un nanifite, ça veut dire un vrai croyant musulman bien soumis, et il ne faisait pas partie des associateurs. À l'époque d'Abraham, il n'y avait que l'islam, le judaïsme ou le christianisme sont venus plus tard après Abraham. جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Un homme parmi les juifs de Médine est venu voir l'émir des croyants Omar, fils de Al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui. فقال يا أمير المؤمنين, ô émir des croyants, lui dit, أي آية في كتابكم تقرأونها, un verset coranique dans votre livre sacré que vous récitez, لو علينا معشر اليهود أنزلت, dans le cas où ce verset nous a été révélé, nous les juifs, لاتخذنا ذلك اليوم عيدا, on ferait de ce de l'anniversaire de ce verset coranique une fête judaïque. قال واي ايه, Omar lui dit, de quel verset coranique s'agit-il? قال اليوم اكملت لكم دينكم, il lui a répondu, aujourd'hui je vous ai parfait votre religion. فقال عمر اني لا اعلم اليوم الذي انزلت فيه, Omar lui a donné cette réponse, je connais avec précision le jour où ce verset a été révélé, والمكان الذي نزلت فيه, et le lieu dans lequel ou auquel ce verset a été révélé, نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة, يعني يوم الاثنين القادم عرفة, بعرفة في يوم جمعة, رواه مسلم وغيره. Il a dit, ce verset a été révélé au messager de Dieu, prière et salut lui, dans le jour d'Arafa, ça veut dire Arafa qui aura lieu ce lundi, dans le jour d'Arafa, ça correspond au 9e jour de Dhul-Hijjah, et c'était un jour de vendredi, rapporté par l'imam Muslim et par d'autres. Ayou al-ikhwat wal-akhawat, mes frères et mes sœurs, fi mitli hada shahr, dans un mois pareil que celui-ci, Dhul-Hijjah, min as-sana al-ashira lil-hijra, et c'était la 10e année de l'Hijr, 10 ans après l'immigration, waqaf an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawm arafa, le prophète prière et salut lui s'est arrêté un jour d'Arafa, bijanib jabal ar-rahma, à côté du mont de la clémence, sur le sol d'Arafa, wa nadhara ila al-jumu', et il a vu la foule immense de pèlerins, al-jumu' min al-hujjaj, la grande foule de pèlerins musulmans, allati tuqaddar bi 120 alfan, la foule estimée ce jour-ci à 120 000 personnes. Huwa alladhi ataw min kulli al-jazira al-arabiyya, 120 000 personnes venues de toute la péninsule arabique. Huwa alladhi kana bil ams yatiman bi Makkah, cet homme Mohammed, prière et salut lui, l'orphelin d'hier, le petit orphelin de la Mecque d'hier. Thumma ja'ahu al-wahyu bi ghari Hira ba'da 40 sana, cet homme qui a reçu la révélation 40 ans après dans la grotte de Hira, wa kharaja min al-ghar yarta'id wa laysa 'ala wajhi al-ard muslimun ghayruhu, et il a quitté la grotte en tremblant lorsqu'il a reçu la première révélation, en tremblant, il n'y avait pas sur terre un autre musulman à part lui, il était le seul musulman. Le voici aujourd'hui, fi yawmi arafa, dans une journée d'Arafat, وفي ظرف 23 سنة من الجهاد et après 23 ans de lutte يقف أمام 120 ألفا من الحجاج devant une foule estimée à 120 000 pèlerins جاءوا من كل الجزيرة العربية venant de toute la péninsule arabique وهم يهتفون 120 000 qui criaient avec toute leur voix لبيك اللهم لبيك soumission à toi Seigneur soumission لبيك لا شريك لا شريك لك لبيك soumission à toi nul associé à toi soumission إن الحمد والنعمة لك والملك certes la louange la grâce sont à toi ainsi que la royauté لا شريك لك nul associé à toi وبدأ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خطبته إلى الناس et le messager noble prière et saillie sur lui a commencé son discours à la nation d'islam أيها الناس ô humains اسمعوا قولي écoutez bien ma parole فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ربما عمري ما نتلقى معكم من بعد هذا العام هذا سمعوا مزيان الكلام ديالي car je ne sais pas peut-être je ne vous rencontrerai plus en ce lieu après cette année بهذا الموقف en ce lieu بهذا سميت حجة الوداع raison pour laquelle les historiens ont l'a appelé le pèlerinage d'adieu c'est-à-dire comme si c'était comme si le prophète prière et sortie faisait ses adieux à sa nation. ثم تكلم صلى الله عليه وسلم عن كثير من الأمور. Et après le prophète prière et sortie a parlé de beaucoup de problèmes ou de choses. تحريم العادات الجاهلية من ربا ودماء. Il a interdit toute habitude païenne, toute habitude pré-islamique comme l'usure, comme la revanche, le sang. وحذرهم من طاعة الشيطان. Et il leur a dit de se méfier, d'adorer Shaitan et de faire attention pour ne pas être injuste à l'égard des femmes et de ne pas désobéir à l'émir et de l'injustice du musulman à l'égard de son frère musulman. Et à la fin il a fini son discours et vous pouvez lire le discours dans les livres de biographie. ثم قال صلى الله عليه وسلم et après il a dit أيها الناس اعقلوا قولي فإني قد بلغت ô humains rappelez-vous bien de ma parole parce que j'ai transmis وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به et je vous ai laissé ce que vous ou ce qui vous permettra de ne jamais vous égarer tant que vous vous en accrochez kitab Allah wa sunnat rasuli le livre de Dieu je vous ai laissé le livre de Dieu et la sunna la tradition de son prophète Allahumma hal ballaght ô Seigneur ai-je bien transmis wa satalqawna rabbakum et certes vous allez rencontrer votre Seigneur فلا ترجعوا بعدي ضلالا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض donc ne devenez pas après moi des égarés dont les uns frappent les têtes ou les coups des autres ألا ليبلغ الشاهد الغائب que le présent transmette à l'absent وأنتم ستسألون عني et vous tous vous serez interrogés à propos de moi c'est-à-dire par Dieu فما أنتم قائلون qu'allez-vous dire قالوا جميعا tous ils ont répondu نشهد أنك قد بلغت nous témoignons nous attestons que tu as bien transmis le message وأديت et tu as bien accompli la mission ونصحت et tu as bien fourni le conseil فقال بأصبعه السبابة et il a répondu par son index par son doigt l'index يرفعها إلى السماء qu'il levait vers le ciel وينكتها إلى الناس et après il dirigeait son index vers la foule اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد ô Seigneur sois-en témoin ô Seigneur sois-en témoin ô Seigneur sois-en témoin وبعد هذه الشهادة البشرية après ce témoignage, après cette attestation humaine, shahadati ahli al-ard, le témoignage des gens de la terre, tanzilu fi nafsi al-yawm, le jour même, il y a eu la descente d'un autre témoignage, shahada rabbaniya, un témoignage divin cette fois-ci, de Dieu, shahadati sama, le témoignage céleste du ciel, yahmiluha aminu al-wahyi jibril alayhi salam, porter un témoignage porté par le secrétaire de la révélation, l'archange Gabriel, prière et salut sur lui. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je vous ai parfait votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Je vous ai parachevé ma grâce. Wa raditu lakum al-islam dinan. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Bima'na, ceci signifie أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة الإلهية حتى اكتمل الدين. Ça veut dire le prophète, Dieu témoigne que son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien transmis le message jusqu'au point ou jusqu'à l'achèvement de la religion. Shahada ilahiya ba'da shahada al-bashariya li Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un témoignage divin après le témoignage humain en faveur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa baka Omar. Et Omar a versé des larmes. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر. Le prophète lui dit, prière et sagesse, qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Omar, dans ce jour de fête? قال أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا. Ce qui m'a fait pleurer, c'est qu'on était en croissance dans notre religion. وأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا ونقص. لم يكمل شيء إلا وبدأ في النقصان. Et comme la religion est devenue parfaite, comme la religion est achevée, il n'y a pas une chose qui atteint le maximum de croissance sans commencer sa décroissance. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. Et le prophète prière dit à son grand ami Omar, ce que tu dis est vrai. وهكذا فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة رضوان الله عليهم أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد صار قريبا. Ainsi le messager et quelques-uns de ses compagnons ont tous compris que le terme final ou le terme de la fin du prophète, de la vie du prophète sallam est devenu tout proche. فإذا اكتمل الدين, si la religion est devenue parfaite ou complète, فقد انتهت الرسالة, l'achèvement de la religion signifie l'achèvement du message ou des messagers. يعني انتهت الرسالة, ceci signifie que le message a pris fin. بمعنى انتهت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض, ceci signifie aussi que la mission du prophète sur terre a pris fin. وحان وقت الرحيل, et le moment ou l'heure du voyage a sonné pour le prophète, prière et sagesse. Ainsi ce verset coranique devient un miracle éternel. Tubayyin li kulli al-ajyal nubuwwata Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que rien que ce verset, il montre à toutes les générations musulmanes la vraie prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lianna nazalat alayhi wa huwa yatamatta bi sihhatin jayyida fi ayyam al-hajj, parce qu'il a reçu ce verset et il jouissait d'une grande ou d'une excellente santé fi zaman al-hajj, à l'époque du pèlerinage. La yastati'u amamaha ay tabib في الدنيا أن يتوقع موت النبي صلى الله عليه وسلم. Et aucun médecin dans le monde à l'époque ne pouvait prévoir le décès du prophète صلى الله عليه وسلم. Au moment de la révélation de versets coraniques, il était en bonne, en excellente santé. Il avait que 63 ans. ولكن بعد 81 ليلة. Mais après 81 ou 81 nuits من نزول الآية, depuis la révélation de ce verset, قبض ملك الموت روح النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة الطيبة, l'ange de la mort a pris l'âme bonne et pure du prophète, prière et sorcellerie, wa'adat ila rabbiha radiyatan mardiya, et l'âme remonta satisfaite et satisfaisante vers son Seigneur, ya Habib Allah, ô bien-aimé de Dieu, innana min wara'il quruni was-sinin, on est après toi de plusieurs siècles, de plusieurs années. Nashhadu laka shahada nalqa biha rabb al-alamin, et nous signons pour toi ce témoignage, cette attestation avec laquelle nous rencontrerons le Seigneur des univers. Annaka ballaghta ar-risala ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, innana fi 1431 wa nahnu muslimin wa sami'na ahadithak wa sami'na qur'anak, tu as bien transmis le message, on est en 1431 de l'Hégire et nous avons entre nos mains le Coran, nous avons entre nos mains tes hadiths, wa addayta al-amana, et tu as bien accompli ta mission, wa nasahta al-umma, et tu as bien fourni le conseil à la nation, wa mahawta al-dhulma, et tu as bien effacé les ténèbres ou éliminé les ténèbres, wa jahadta fillahi hatta haqqa al-jihad hatta ataka al-yaqin, fa sallallahu alayka wa sallam salatan wa salaman mutalazimayni ila yawm al-din, que la prière et le salut de Dieu soient pour toi d'une façon permanente jusqu'au jour de la rétribution. وفي الأخير أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا لفين je vous recommande et à moi-même la piété, la crainte de Dieu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله, après ceci, adorateurs de Dieu, يوم الاثنين القادم يقف الحجاج. الحجاج لهم موعد مع الله سبحانه وتعالى. يوم الاثنين يقف الحجاج فوق أرض عرفات في المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce lundi, 9e jour du mois de pèlerinage, ce lundi, jour d'Arafat, les pèlerins, plus que 2 millions de personnes venues de tous les coins du globe, vont s'arrêter sur le même lieu où s'est arrêté le prophète صلى الله عليه وسلم. Ils ont un rendez-vous de vie avec le Seigneur des univers. يوم عرفة في آخر دقيقة من يوم عرفة سيغفر الله للحجاج. À la dernière minute, juste avant le coucher du soleil de ce jour lundi, Dieu va absoudre les péchés de ses serviteurs, de ses visiteurs. فضل يوم عرفة, le mérite, la vertu de ce jour d'Arafa, لا تقف عند حدود عرفة الجغرافية, le mérite ou la vertu d'Arafat, de ce jour d'Arafat, ne se limite pas aux limites géographiques du lieu géographique Arafa, بل تعم المسلمين في العالم, mais plutôt la vertu ou le bienfait d'Arafa touche tous les musulmans du monde. فكل من صام هذا اليوم غفر الله له ذنوب سنتين. Celui qui jeûne ce lundi, d'après un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, Dieu lui pardonne les péchés de 2 ans, cette année et l'année à venir. هذا هو دين الإسلام, telle est la religion d'Islam. أيها الإخوة, أقول لي ولكم من عنده مشكل في بعد 10 صباحا تقريبا التي تناسب, أو بعد 11 عندنا تناسب الواحدة هناك وقوف الحجاج, من بعد 11 في الصباح عندنا في فرنسا يتكلم مع الله الذي يسمعه هناك, يسمع أولئك هناك سيسمع الناس هنا. Donc celui qui a un problème, j'adresse cette parole à moi-même et à vous tous, celui qui a un problème, celui qui a des soucis, et nous avons tous des soucis et des problèmes, personne n'échappe à cette règle de vie. À 11h lundi, en étant jeûneur, il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. 11h d'ici, ça correspond à 1h là-bas, à 13h là-bas. Donc il s'adresse à Dieu subhanahu wa ta'ala. Pendant 5h de suite, Dieu est là, Dieu est tout proche des musulmans. Il écoute et il répond, il exauce nos prières et nos invocations. فَهَنِيئًا لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِعَمَلِ الْخَيْرَاتِ. Félicitations à celui ou à celle que Dieu va guider à accomplir des bonnes œuvres. وَصَبَاحَ الثُّلَثَاء عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ. Et le lendemain d'Arafat, ce mardi à venir, le 10e jour du pèlerinage, يَكُونُ عِيدُ الْأَضْحَى. Il y aura la fête du sacrifice. وَأُذَكِّرْ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبْ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبْ قِيَامْ لَيْلَةَ الْعِيدِ. Je rappelle qu'il est préférable de veiller pendant la nuit de la fête. قال صلى الله عليه وسلم من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب رواه الطبراني والدارقطني. Le prophète d'après الطبراني et الدارقطني a dit, celui qui veille la nuit de la rupture du jeûne, la nuit de la fête du Ramadan, la nuit du sacrifice, son cœur ne mourra pas le jour de la mort des cœurs. ويقوم مقام ذلك صلاة العشاء والصبح في جماعة. On peut veiller par uniquement faire la prière de l'عشاء et de l'aube à la mosquée. ويندب الغسل والتطيب. Il est préférable de faire les ablutions rituelles, prendre une douche rituelle. والتطيب, de bien se parfumer. ولبس أحسن الثياب, et de porter ses meilleurs habits. وصلاة العيد ستكون على التاسعة صباحا هنا. Et venir pour faire la prière de la fête qui aura lieu à 9h dans votre mosquée d'Evry. وَيُنْدَبْ يَوْمْ الْعِيدْ الْإِمْسَاكْ عَنِ الطَّعَامْ حَتَّى يُفْطَرْ بِكَبِدْ الْأُضْحِيَةِ. Il est préférable aussi de s'abstenir, d'observer un mini-jeûne de l'aube jusqu'au moment où on rompt le jeûne avec une partie du foie de son sacrifice. وَمَنْ لَمْ يُضَحِي يصوم حتى وقت ذبح الأضحية يصوم حتى العاشرة والعاشرة والنصف. Celui qui ne sacrifie pas pour une raison ou pour une autre, il peut faire lui aussi le jeûne jusqu'à 10h, 10h30, le moment où les gens commencent à sacrifier. ويندب التكبير أثناء الخروج لصلاة العيد. Il est préférable aussi, il est souhaitable que la personne, lorsqu'elle quitte sa demeure pour venir vers la mosquée pour faire la prière, de proclamer sans cesse cette formule Allahu Akbar. Dieu est très grand. وبعد الصلوات الخمس لمدة ثلاث أيام. Et depuis la journée de la fête et pendant 3 jours, après chaque prière obligatoire, on fait التكبير الله أكبر. وأحسن عمل يقوم به المسلم يوم العيد هو ذبح الأضحية. La meilleure œuvre qu'un musulman puisse accomplir le jour de la fête, c'est d'égorger son sacrifice. لله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et s'assoit dit, ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم. Le fils d'Adam ne peut pas faire une œuvre plus aimée à Dieu le jour du sacrifice que faire saigner le sang. Ça veut dire de la bête. رواه الحاكم وابن ماجه والترمذي, rapporté par الحاكم ابن ماجه et الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم بكل شعر حسنة. Il a dit dans une autre version, avec chaque poil il y a une bonne action. والأضحية تكون بعد صلاة العيد. Le sacrifice a lieu après la prière de la fête. ومن ضحى قبل الصلاة فلا أجر له عند الله. متفق عليه. Le sacrifice a lieu après la prière de la fête. Celui qui sacrifie avant, pour gagner du temps, pour précéder la foule, n'a aucun salaire auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, unanimement authentique. وَيُسْتَحَبْ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَهْدِي وَنَتَصَدَّقْ بِدُونَ تَحْدِيدٍ. Il est préférable aussi de manger une partie du sacrifice, de donner comme cadeau une autre partie et de donner une autre comme aumône, comme sadaqa aux pauvres. فإن أكل الثلث وأهدى الثلث وتتصدق بالثلث فأحسن عند غير المالكية. Mais dans le cas où on mange le tiers et on donne comme cadeau le tiers et on donne le tiers comme aumône, ceci aussi est meilleur, mais chez les c'est en dehors du rite malikite. ومن لم يضحي ما عنده استطاعة ما عنده قدرة إما من ناحية الغلاء أو صعوبة الذبح عملية الذبح قلة المذابح. Celui qui ne va pas sacrifier, soit parce qu'il n'a pas les moyens ou parce qu'il n'a pas la capacité, soit du côté que le prix est cher, élevé pour lui, ou parce qu'il y a une difficulté dans l'opération d'abattage, il y a un manque affreux d'abattoir. Dans toutes les zones, il n'y a aucun abattoir. وَمَنْ لَمْ يُضَحِّ فِي هَذَا الْعِيدِ Celui qui ne sacrifie pas pendant cette fête, فَأَقُولُ لَهُ Je lui dis, يا أخي أو يا أختي frère ou sœur, إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه عنك. Le prophète prière et s'assurit a sacrifié à ta place. بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده, avec deux béliers beaux et corneux, et il les a égorgés avec sa main chérifienne. رواه مسلم, rapporté par l'imam مسلم. وجمهور العلماء l'unanimité ou la majorité des savants ala anna al-udhiya sunna mu'akkada disent que le sacrifice est une sunna recommandée liman qadara alayha pour celui qui en est capable bima'na laysat fardan, ça veut dire c'est pas une obligation. Fa idhan 'adamat al-qudra wal istita'a, donc ils ont dit dans le cas d'incapacité ou d'impossibilité lam tusbih mutalaban biha, tu n'es plus redevable du sacrifice. ولكننا نحن المسلمين, malheureusement nous les musulmans, نتشبت بالسنن, on s'attache, on s'accroche trop à ce qui est sunna, ونضيع الفرائض لجهلنا, et on rate, on néglige ce qui est obligatoire par notre ignorance. وأقول كذلك أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, ونحن نستقبل ذكرى نزول هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم, en célébrant l'anniversaire de ce verset coranique, aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion. Allons ou venons ou venez voir qu'on regarde tous, est-ce qu'on est des religieux? Est-ce qu'on est vraiment des bons musulmans? Min haythul adad wal kam, du côté du nombre et de la quantité, nous sommes les premiers. Akthar min milliard, plus qu'un milliard sur la terre. Mais on ressemble à une mousse d'eau qui est portée par un fleuve. Parce que du côté de la compte, de la qualité ou de la valeur, on est les derniers. Nous avons peur de la mort et nous avons aimé trop la vie ici-bas et les millions. Tarakna salat, nous avons abandonné la prière. Mana'na zakat, nous avons arrêté la zakat. Wattaba'na shahawat, et nous avons suivi les désirs. Nasina al-janna wan-nar, nous avons oublié le paradis et l'enfer. Wa 'asayna al-'aziz al-jabbar, et nous avons désobéi au Tout-Puissant. Fa min 'adabihi lasna khaifin, et nous avons aucune crainte vis-à-vis de son châtiment. Istabahna al-haram, nous avons rendu licite l'interdit. كذب ونفاق, mensonge et hypocrisie. غش وحيلة, tromperie et ruse. زور, fraude. غيبة ونميمة, médisance et calomnie. فصرنا ظالمين, et nous sommes devenus des injustes. أسأنا إلى الزوجة, nous nous sommes mal comportés avec l'épouse. أذينا الجيران, nous avons fait du mal aux voisins. وللرحم قاطعين, et nous avons coupé les liens de la parenté. عصينا الوالدين, nous avons désobéi aux parents. لم نكرم اليتيم, nous n'avons pas honoré l'orphelin. ولم نرحم المساكين, nous n'avons aucune pitié envers les pauvres. قطعنا أواصر الأخوة, nous avons coupé les liens de fraternité. أصبحنا متشتتين, et nous sommes devenus dispersés. Mutafarriqin, divisés. Kullun ya'malu li nafsi, chacun œuvre pour soi. Wada'a al-ikhlas, et il n'y a plus de sincérité. Wada'at maslahatul muslimin, et l'intérêt commun des musulmans est devenu perdu. Shababuna tarakut taqwa, nos jeunes ont quitté, ont abandonné la piété. Wattaba'u al-mughannina wal-mumathilin, et ils ont suivi les chanteurs et les comédiens, mala'u sujoun wa harabu ad-din. Ils ont rempli les prisons et ils ont combattu la religion. Banatuna tarakna al-hijab, nos filles ont abandonné le voile. Wattakhadna al-ashab, ils ont pris des petits copains. Wa mala'na al-mustashfayat bi awlad az-zina wal-haramiyin, et elles ont rempli les hôpitaux par les enfants d'adultère illégitimes. Abihada yarda anna ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que avec ce bilan médiocre que le messager prière et sage lui sera satisfait de nous? Abihada nalqa Allah rabb al-alamin. Est-ce que avec ce bilan qu'allons-nous rencontrer le Seigneur des univers? Ja'atna dhikra kamaluddin. L'anniversaire de l'achèvement de la religion nous est parvenu. Wa nahnu lahu muhmilin. Et nous pour nous trouver ou pour trouver que nous l'avons négligé, et comme quoi nous sommes très très éloignés de la religion, et que nous avons bien délaissé ses recommandations. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له قرينا ووالله لا حل ووالله لا حل بين أيدينا. Et par Dieu, il n'y a aucune solution devant nous. ووالله ما لنا من سياسة تنجينا. Et par Dieu, il n'y a aucune politique qui peut nous délivrer. إلا توبة صادقة وصلح مع رب العالمين. À part un sincère, authentique, un repentir authentique et sincère et une réconciliation avec le Seigneur des univers. في الأخير أيها الإخوة والأخوات, à la fin mes frères et mes sœurs, Allah أعطانا هدية اليوم. Dieu nous a donné un cadeau aujourd'hui. أتانا إخوة من مدينة نمور. Des frères sont venus grâce à Dieu aujourd'hui de la ville de Numour. جيران لنا, des voisins à nous. ستهدم أو سيهدم مكان صلاتهم. Leur salle de prière sera détruite par les autorités l'année prochaine, في السنة القادمة. وأعطوهم أرض ويجب عليهم بناء مسجد. Et on leur a offert à la place un terrain et les musulmans doivent construire une mosquée. فأعينوهم اليوم أعانكم الله. Donc aidez-les aujourd'hui et que Dieu vous aide. أيها الإخوة, نحن في أحسن أيام السنة العشر, عشر ذي الحجة. On est dans les meilleurs jours de l'année, les 10 du pèlerinage. فهذا أحسن عمل نلقى الله به. Il s'agit de la meilleure œuvre avec laquelle on peut rencontrer Dieu subhanahu wa ta'ala. فكونوا جوادين. Soyez généreux avec vos frères. وسيكون الله جواد معكم. Et Dieu sera généreux avec vous. وربما أعطى الواحد منا أجر حجة بهذا العمل. Il se peut que Dieu va donner à l'un de nous la récompense du pèlerinage malgré qu'il est ici dans la mosquée d'Evry. نسأل الله أن يوفقنا للعمل لعمل الخير ونسأل الله تعالى وتبارك أن يتقبل منا أعمال الخير. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, يا من أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا, يا رب يا واحدا في عليائك لا تجعلنا ممن ضيع دينك, لا تجعلنا ممن فرط في نعمتك, لا تجعلنا ممن ابتعد عن الإسلام, ولا تجعل من ذريتنا في هذه البلاد من يبتعد عن هذا الدين وعن هذه النعمة. يا رب اجعلنا مسلمين, يا رب اجعلنا فرحين بهذه النعمة, واجعل من سلالتنا في هذه الأرض من يقوم بأمر هذا الدين, إنك على كل شيء قدير. يا رب بلغ صلاتنا وسلامنا لإمامنا ومولانا وقل له بأننا نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة